Troisièmement, appel à la jeunesse. Chenejean, vous dont l'âme ardente est assoiffée de jouissance, de justice et d'amour, venez à nous. Ces biens précieux, nous vous les donnerons. La société bourgeoise vous comprime et vous étouffe. Vos facultés généreuses n'y atteignent pas leur développement complet. Le spectacle des souffrances vous irrite et vous aigrit, au point de vous donner parfois le dégoût de la vie. Vous qui croyez encore au bien, venez au socialisme. Jouez hardiment votre rôle dans cette grande et glorieuse épopée. Ce n'est pas ici la lutte pour un homme, pour une caste ou pour une nation. C'est la lutte pour l'humanité. C'est pour les pauvres, les ignorants et les faibles de la terre entière que nous combattons. Pour que les vieillards brisés par le travail, pour que les petits-enfants qui vont nu-pieds l'hiver et que le froid fait pleurer, pour que les parias de tout ordre aient place comme les autres au banquet de la vie. Grâce à la science, nous avons construit des machines merveilleuses qui remplacent nos bras et les centuples. Nous avons forcé le sol le plus aride à devenir fécond. Nous avons rapproché des distances, percé des montagnes, comblé des vallées. En un mot, nous avons vaincu la nature. Avec les richesses immenses dont nous disposons, nous pourrions être tous heureux. Car la terre produit du bonheur pour tout le monde. Eh bien, un obstacle s'oppose à la félicité universelle. Cet obstacle que nous ne pouvons vaincre et qui nous fait perdre le bénéfice d'un siècle de progrès, c'est le cœur de l'homme, ou plutôt, c'est l'égoïsme de la bourgeoisie. Le bourgeois est le plus féroce des animaux. Au moins le tigre, le loup, le chacal, l'hyène, une fois repu, cesse de poursuivre les autres bêtes ou de leur disputer leur proie. Le bourgeois, lui, ne se contente pas de satisfaire à tous ses appétits. Il lui faut le superflu. Pis que cela, il veut, il exige que des milliers de ses semblables soient privés du nécessaire. Il jouit de la souffrance d'autrui. Certes, il a droit au bonheur, comme les autres, mais il n'a pas le droit de nous faire souffrir. Notre grand grief contre lui ne part point d'un sentiment de jalousie. Ce que nous lui reprochons, ce n'est pas d'être heureux, c'est de nous empêcher de l'être. La noblesse féodale tint, durant des siècles, il est vrai, l'humanité dans la plus abjecte des servitudes, dans la plus déprimante des misères. Mais elle ne pouvait pas assurer le bien-être de tous. Le progrès de la science et de l'industrie ne le lui permettait pas. La bourgeoisie n'a pas cette excuse. Ce que la noblesse n'a pu faire, elle peut le faire. Elle n'a qu'à le vouloir. Elle est donc doublement coupable, parce que pouvant faire le bien, elle fait le mal. Ce qu'il y a de plus particulièrement odieux, c'est qu'ayant conscience de son infamie, elle cherche à l'atténuer par d'hypocrites lamentations sur le sort des malheureux. « Je voudrais bien venir en aide aux ouvriers, dit-elle, mais ils sont tellement ivrognes, tellement ignorants, tellement paresseux, qu'ils ne sauraient profiter de mes bienfaits. » Certes, le peuple, pris dans son ensemble, est mauvais, mais avec l'éducation qu'il reçoit, il ne peut être que ce qu'il est. S'il était bon, ce serait une anomalie. Il est ce qu'on l'a fait. Qu'on lui donne l'instruction intégrale et les moyens d'existence, il deviendra meilleur. Cela, la bourgeoisie le sait bien, mais elle ne veut pas améliorer la condition misérable des travailleurs. Au contraire, elle s'oppose à tout ce qu'ils essayent de faire par eux-mêmes dans le but de s'élever. Chaque fois que, poussés par l'instinct du bien-être et obéissant à la loi supérieure du progrès, ils ont voulu sortir de leur abjection. Elle les a massacrés impitoyablement. Juin 1848, mai 1871, fourmis 1891. Jeunes gens, c'est contre cette caste maudite que nous vous convions à lutter. Sans doute la tâche est ingrate et périlleuse, mais elle est grande et digne des hommes de cœur. Attendez-vous à être bafoués par ceux-mêmes dont vous défendrez les intérêts ? Par les ignorants que la bourgeoisie ameutera contre vous. Une haute récompense vous payera de ses amertumes. C'est la satisfaction du devoir accompli. À ceux qui railleront, vous répondrez, nous luttons pour la justice. Ce n'est pas un personnel politique que nous voulons changer. Ce sont des institutions mauvaises que nous voulons rendre parfaites. Toutes nos aspirations sont contenues dans la forme suivante, le bonheur intégral de l'individu dans celui de la collectivité. Si ce principe est vraiment le critérium auquel vous rapporterez tous vos actes, vous possédez la triple définition de l'art, de la morale et de la politique, c'est-à-dire la plus vaste synthèse à laquelle les hommes soient jamais parvenus. Vous avez la clé de la grande harmonie. Jeunes gens, il ne faut pas que l'humanité demeure stationnaire pour la mauvaise volonté de quelques-uns, mais c'est par la science que vous l'affranchirez, du travail, de la persévérance. Rien n'est impossible à l'homme. Vous accomplirez les grandes choses que nous avons rêvées. Peut-être parviendrez-vous à inscrire en une formule d'algèbre intelligible à tous le principe générateur des êtres que l'ignorance des peuples avait appelé Dieu.